girl, mwen pa tout di. Passe belle nuit, ça pacifie. Prend plaisir ou faire rire sans soupir. Ou bon côté ma qui ont prestige. Ça mwen pral faut placer en vestige. Mwen fait faire vie ma verre, nan respect, nan douleur. Pas que menti, c'est ça mwen envie. Baby, mwen envie de serrer les corps toute la nuit. Bouge à ça qui j'en raconte bon moi. S'assurer certains baby que moi mère trop. Moi qui aborde l'amour 24 sur 24 non-stop. Baby moi envie.